Clément. Tonaille. Jack. Ça va? Ça va et toi-même? Ça va. Je m'étais dit que ça aurait été sympa qu'on fasse une petite capsule, parce qu'il va, il va nous en falloir pour que je puisse les poster la semaine prochaine. Ah, d'accord. D'ailleurs, on n'a pas trop discuté de ça, mais on n'est pas trop mal en termes de timing. Parce que tu dis oui, prendre de l'avance, mais en fait, pour l'instant, ça suit, ça quoi. Ça se goupille bien. Ça se goupille bien. Après, quand je parlais d'avance, c'était histoire d'avoir des vraies vacances. Ouais, je... Voilà. Tu sais qu'il y a des sujets qui sont, il y a deux, trois des sujets. Sujets qui fâchent? Ouais, non, c'est pas qu'ils fâchent, mais c'est qu'ils mettent un petit désaccord. Un petit désaccord. J'avais envie de parler avec toi d'un groupe. Comment dire? Un groupe qui est en train de monter. Mais qui est vraiment en train de monter doucement. D'accord. Enfin, quand je dis doucement, non, mais qui monte bien, qui vraiment, la dernière fois que moi j'en ai parlé, c'était pas aussi haut, qui continue de monter et qui est vraiment en train, je pense, de devenir un groupe très important. Et en plus, je m'étais dit, ce qui pourrait être, sympa, c'est que ça va peut-être en plus méga te plaire. Et ça agit, comment dire? En fait, dans cette préparation, ça, finalement, plus agit sur moi que ce que je pensais que ça agirait sur toi. Ah oui, ah oui. Ah ouais. Alors, c'est pas très clair ce que je dis, mais. Bah oui, que... surtout que tu sais pas encore comment ça agit sur moi. Ouais, oui. Mais moi, en fait, ça m'a quand même, moi, beaucoup. Ça t'a emballé. Ouais, grave. Ah, okay. Grave. Okay. Mais avant de commencer à en parler, je m'étais dit que je sais que t'as toujours dans ta besace quelques trucs à nous proposer. Ah! Est-ce que ça serait pas le moment que tu nous proposes l'un de tes petits génériques? Allez, c'est parti. Mais c'est parce que je vous aime bien. Allez, t'es chaud? Je suis tout bête, moi, tu... Générique. Il va falloir que je travaille un peu plus sur le métal quand même. Donc le groupe dont je voulais te parler, c'est un groupe qui est déjà venu à Hellfest. Quelle surprise. Bah oui. Ça tu pouvais pas trop t'en deviner. Mais qui n'est venu qu'une seule fois. Et c'était en 2022 pour la fameuse double édition. D'ailleurs, on peut noter que dans les groupes dont on parle dans ces capsules, ils sont pas tous. Si, attends. Si, 2022. Voilà, ils sont quasiment tous. Il y en a qu'un qui n'est pas encore venu, le prochain. Okay. Mais ils sont tous venus. Et il est venu en 2022, donc on en avait parlé à l'époque avec Bob dans Road to Hellfest. Et on en avait dit du bien, et je m'en souvenais. Et j'ai juste un tout petit doute, mais je crois pas que j'avais été les voir à l'époque. D'accord. Donc, ok. Non, je crois que j'y avais pas été. Okay. Mais parce que je crois que c'est lui qui avait dû le chroniquer, le groupe. D'accord, je suis pas d'accord. Sûr. Mais à cette époque-là, c'est la fameuse édition de 2022. Ça a été une trentaine d'émissions. On n'était que deux. On s'est tapé tous les groupes de The Weeknd. C'était dur. On a fini un petit peu sur les rotules, ouais, laisse-moi te le dire. Surtout pour un Bob qui a même pas pu venir au final. Donc imagine la frustration. Il était pas venu. C'est aucune des deux. Il est venu que le dimanche du premier week-end. Vache. Ah ouais, dur. Ouais. Donc. Je compatis. En plus, on va parler d'un groupe qui a tendance à être plutôt discret. Rapport, en fait. Ils ont des capuches. Et en plus, qui joue un style qui va évoluer assez rapidement dans leur discographie. Ouais. Est-ce que tu vois de quel groupe je veux parler? Je pense que tu parles de Gaerea. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai demandé à parce que c'est un groupe portugais, okay. Et j'ai demandé à un collègue de boulot portugais comment on disait Gaerea en portugais. Je sais pas, jamais vu ce mot de ma vie. C'est véridique, il sait pas. Et quand je tape Gaerea dans Google pour me dire de quel, il te dit quoi? Et il me dit que pas du, il dit que ça serait du Maui, lui. Ah ouais, carrément. Ouais. Du Maori. Ouais. Ah ouais. Donc pas du tout au Portugal. Mais en tout cas, tu as tout à fait raison, nous allons parler de Gaerea. Et donc Gaerea, comme je disais, qui est un groupe portugais de black metal au début. Ouais. Puis de post-black metal par la suite. Le groupe est originaire de Porto et commence sa carrière en 2016. Il commence tout d'abord justement par un premier EP éponyme, qui est donc Gaïra, qui est sorti en 2016. Et puis, deux ans plus tard, ils sortent leur premier album, Unsettling Whisper, qui déjà commence déjà un petit peu à se faire assez connaître pour être repéré par Season of Mist, le label français, oui, okay. Qui va faire qu'ils vont sortir leur deuxième album, Limbo, en 2020. Et Mirage en 2022. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement, tu vois, nous, au moment du podcast pour le 2022, on avait écouté que Limbo et leur premier album. Ouais. Et après, on n'avait pas encore arrivé à Mirage. Et je trouve que justement, la transition, elle arrive entre le premier et le deuxième. Parce que vraiment, le premier est plus un album de black metal, pas traditionnel, mais moins post, comme ça va arriver par la suite. Maintenant, on est vraiment sur un truc et ça continue en plus d'évoluer vers un peu autre chose. Et donc, Mirage en 2022, par exemple, tu vois, je pense qu'avec Limbo et Unsettled Whisper, je pense que j'ai pas été assez convaincu à l'époque pour me dire, j'ai trop envie de le voir. Là où justement, ce qui se passe après, déjà avec Mirage, m'aurait déjà beaucoup plus donné envie d'aller voir le groupe. Mmh. Alors, comme on l'a dit vite fait en intro, c'est un groupe à capuche. Ouais. Donc, qui sont plus des cagoules, on va dire. Sont censés représenter, avec ce qu'ils ont un sceau magique dessus, qui est censé représenter le démon Asmodée. Ah, d'accord. Voilà. Et en plus, contrairement au groupe classique de black metal, qui a des thématiques un petit peu comme contre le christianisme, plus porté sur le satanisme, et ben là, si c'est présent ça sur leur premier album du groupe, on passe rapidement à une des thématiques beaucoup plus axées sociales, telles que la dépression et le suicide. Okay. Et aussi des thèmes plus positif comme la libération et le bonheur. Ok. Tu vois, donc, et du coup, même sur comme je te disais que maintenant ils jouaient plus du post-black metal, avec des influences de black metal dépressif, qui se manifestent principalement par des cris prolongés et quelques riffs plutôt traînants. Le groupe mise toutefois sur la variation de tempo et la richesse de la diversité, ce qui est quand même assez marquant quand tu écoutes le groupe. Et en plus, on trouve des arrangements orchestraux et choraux, parce que le groupe lui-même qualifie son style de cathartique black metal. D'accord, ok. Voilà. Ah, ok, intéressant. Alors après, il y a eu l'album, dans la même lignée que Mirage en 2022, Coma en 2024. Et normalement, si je dis pas de bêtises, au mois de mars, je crois qu'il y a Lost qui sort en 2026, qui annonce déjà aussi une espèce encore d'évolution. Si on demande que veut dire Gaerer pour le groupe, alors faut savoir que oui, on en a parlé tout à l'heure, il parlait des capuches, donc on ne les connaît pas. Sauf qu'en fait, on connaît à peu près l'identité de tout le monde. Ah oui. En fait, ouais. Réussi à garder l'anonymat. Non, je crois pas que ce soit volontaire. Ah ok. Je crois pas qu'ils voulaient forcément garder l'anonymat. Je crois que c'est un peu un mélange des deux. Ils voulaient pas qu'on voit leur visage, mais c'était pas forcément pour cacher leur identité. Ah ok. Tu vois, donc je pense qu'ils jouent leur jeu à la façon. Mais tu vois, j'ai lu une interview. Ils disaient, en 2023, vous avez recruté Sanja Suringa à la guitare. Oui, donc il y a un membre féminin. Cache pas, C'est pas caché quoi. Okay. Et je te dis ça parce que, je voudrais pas dire de conneries. Sur qui et qui, parce que je sais que je voudrais vraiment pas dire de conneries, mais en fait, j'ai pas retrouvé le chanteur et principal compositeur, donc je crois que c'est Lucas Ferrand, je crois. Ok, alors attends, je vais juste vérifier pour pas dire de conneries. Parce que ça m'embêterait. Enfin, ce que je peux dire en attendant, c'est qu'en tout cas, le groupe qui était portugais maintenant, il est basé aux Pays-Bas. Il est chanteur Gaerea, raisonnement. Pourquoi l'IA me dit ça, le chanteur et leader souvent que. Ok, je vais pas l'avoir. Identité, il délivre. Non mais. Parce qu'en fait, je voulais parler en son nom, donc je sais pas. Ou si je dis ça, est-ce que si je dis lui me dit Guilherme Henrique. Ça sonnerait plus ça. Ouais, non, mais c'est lui. Alors, ça doit être Guilherme Henrique qui est le chanteur. Du coup, lui, il explique que c'est aussi lui le principal compositeur. C'est lui qui écrit les textes, c'est lui qui gère tout. Donc, c'est son. Ouais, j'ai pas envie de dire que c'est son projet parce que je suis pas sûr de moi de ce côté-là. Mais ça ressemble un peu encore à un groupe où il y a un mec qui. Voilà. Et voilà. Donc, que veut dire le nom Gaerea pour lui en tout cas? Alors, je vous préviens, j'ai rien compris. Oh. Gaerea se présente comme un manifeste vortex. Éternel, sans cesse croissant, un point de vue critique qui change constamment au fil du temps, un moment qui se tient sur son propre espace et son temps. Nous racontons avec Gaerea l'histoire de la société Holo, une histoire fictive mais quelque chose qui consume notre vie quotidienne. Gaerea est et sera toujours ce que j'ai écrit pour la première fois dans cette réponse. Nous avions besoin d'un nom qui ne pouvait signifier qu'une seule chose et l'avons créé et fait de toutes pièces. D'accord, ok. D'où le ce que tu disais au début, que personne sait ce que ça veut dire. Ou... Voilà, ça va dans ce sens-là. Et si on peut aller plus loin, parce qu'on peut toujours aller plus loin, allons sur la vision du groupe. Ouais. Gaerea a toujours agi comme un reporter, un simple voyeur, un porteur du message chaotique de la communauté Vortex. C'est un fardeau que nous devons tous porter, car il nous concerne également en tant qu'individus. Nous, qui sommes aussi perdus dans notre propre bulle, l'horrible vérité sur les masques est que vous en portez également un. Pas seulement nous. Nous portons tous des masques dans notre société pour couvrir notre vrai moi intérieur, entre autres. On veut tous être acceptés par qui nous sommes vraiment, mais nous cachons nos êtres réels et le plus primitif au plus profond de notre esprit. Personne n'est réel et personne ne s'en soucie trop de qui nous sommes vraiment, et honnêtement, nous non plus. Oui, oui. Ouais, ça va loin. Ah, voilà. Et en gros, plus loin dans la question, on lui dit « Tu es chanteur principal, compositeur et parolier. » Et lui, il dit « J'écris et conçois tout ce qui tourne autour du groupe plus généralement. » Ok. Donc tu vois, c'est vraiment un truc... Bah, en même temps, c'est tellement particulier que faudrait bien être sûr chanceux d'avoir trouvé les personnes qui ont la même vision de ce truc un peu farfelu. Tu ouais, sais, mais est-ce que, en fait, ce que je trouve marrant par rapport à ça, c'est que plus on creuse dans les groupes et plus tu te rends compte que c'est souvent le cas en fait. Tu vois, c'est souvent. Oui, mais après, c'est parce que tu trouves. Oui, bah forcément. Et après, tu trouves des adhérents au projet. Quoi. Ouais, mais du coup, tu te dis qu'on est plus dans le côté, bah lui, je peux le dégager. Enfin, je sais pas ce que je dis non plus, mais oui, non, ça mais arrive souvent que tu vois. C'est, ah oui, mais en même temps. Et puis, pour la petite info supplémentaire, le groupe a quand même déjà tourné 3 fois aux États-Unis. Donc, c'est un groupe qui marche bien. Ouais. Et donc, si en préambule, j'ai commencé par dire que c'est un groupe de black metal qui a évolué vers du post-black metal et eux, comme ils disent, un gothique machin. Moi, j'ai même l'impression, et c'est là où j'ai porté mon avis, c'est qu'ils sont même en train d'évoluer peut-être même vers un début de forme de metalcore sur les derniers singles qui laissent présager un peu le nouvel album à venir. Et c'est un peu là-dessus que j'ai orienté ça. Et comme je te disais, moi, tout début de l'intro, c'est que vraiment la partie du milieu, là, j'ai pris, moi, une grosse claque en mode, mais putain, mais ah, j'adore les trop. Mirage, Coma. Ouais, surtout Mirage et Coma, enfin, la fin de Limbo, enfin, Limbo, ouais, on va dire Limbo, Mirage, Coma, ces trois-là, ça m'a mis une claque, mais. Ouais. Et je m'y attendais pas parce qu'en fait, du coup, j'avais pas forcément poursuivi mon écoute à la suite du Hellfest. Ouais, et là, j'ai repris une grosse claque. Ouais. Une claque qui est un tout petit peu baissé sur les 2-3 morceaux qui sont disponibles pour le prochain album. Ah oui. Mais là, et là, du coup, c'est là où toi, ce groupe, pour toi, c'était une découverte, j'espère. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Alors, Gaerea, quand j'ai tapé et que j'ai écouté, alors je suis tombé sur, justement, je pense, des morceaux de Los. De Phoenix. Ouais, qui est dans Los. Ah, qui est dans Los. Je crois, ouais. Si tu regardes bien, qui est le nouvel album à venir. Ouais, qui va sortir là, bientôt là. Regarde. Ouais, ouais, Los, va venir, prochain album. Bah, tape dans. Ah oui, c'est un single, Phoenix. Bah, regarde dans Los, si tu cliques sur Los, tu peux déjà écouter des morceaux de ce qu'il y a déjà. Ah oui, c'est ça. Ce qu'il y a... Ouais, Phoenix, il y est, tu vois. Ok. Et donc, du coup, parce que moi, j'avais regardé, j'ai cherché un petit peu. Bien sûr. Parce que je voulais pas me planter. Au début, je dis, tiens, bizarre, ok. Je vois Black Metal. Et j'écoute les premiers, je suis, oh là là, j'ai dû me planter. Non, mais vraiment, je comprends. Donc, du coup, bah. J'ai écouté les 2-3 premiers titres et puis je suis allé directement premier album, deuxième album. Je suis, ah ouais, ok, d'accord. Donc là, ok. Donc, mais c'est vrai qu'on est sur un black metal, mais pas classique du tout. Non, c'est vrai c'est qu'il vrai. Sonne un peu en dehors des sentiers battus. Mmh. T'as une bonne racine black, mais t'as un mélange, une énergie qui est un peu différente, je trouve. Ouais. Qui fait pas aussi sombre en plus que certains. Ah, c'est pour ça ils parlent maintenant de bonheur, métal. De liberté, tu vois. Eh ben oui, mais après c'est, je l'ai un peu plus compris dans ton explication, le côté un peu cathartique, parce que tu disais qu'ils avaient des racines un petit peu plus dépressives, black metal, et ils allaient vers des choses un peu plus les combats intérieurs, machin, tout ça. Donc du coup, évidemment, tu comprends un peu plus le côté cathartique du projet. Mais donc voilà, donc les deux premiers albums, vachement intéressants. Ouais. Dans le sens où c'est un black quand même qui sort de l'ordinaire. Ouais. Donc intéressant. Ouais. Pas évident forcément de rentrer dedans tout de suite direct. Ouais. Tu vois, j'ai pas été tout de suite ultra emballé. C'est pas forcément peut-être les bases du black metal que j'aime bien. Ouais. C'est vrai que moi je suis pas forcément black metal des premières heures. J'ai non de là. Ouais. Des nouveaux projets. Du plus moderne. Du plus moderne, c'est sûr. Voilà. Après, il y a eu les albums d'après, où là vraiment, la base black metal est toujours présente, mais j'ai l'impression qu'elle est plus en arrière-plan. Elle est plus post un peu. Bah du coup, je savais pas comment trop le dire, dans le sens où on la sent. Elle est présente, mais elle est beaucoup plus en retrait. Il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en jeu. Donc, c'est un peu perturbant, en fait. Quand tu... Non, mais dans un sens où c'est un groupe qui est nommé comme un groupe un peu black metal, quand même, de base. Bah, à la base, mais maintenant, moins. Bah, peut-être coup. Moins, maintenant. Et c'est vrai que bah, les derniers titres du prochain album, bah, je suis content que tu l'aies dit, parce que moi, avec mon assurance, de... bah, je l'aurais dit ça, le côté un peu metalcore et ouais, tout. Bah, oui, c'est un peu... Dit, wow, c'est ultra moderne, c'est... Bah, et ils ont changé c'est de... C'est un virage, là. Ils ont quitté Season of Mist et ils vont maintenant chez Century, et qui est un truc beaucoup plus populaire, entre guillemets. Donc, ils sont guéris, ils font autre chose. C'est peut-être ça, un petit peu. Mais... Bah, c'est beaucoup de virages quand même tout au long de l'écoute. Les deux premiers albums sont assez identiques dans le style. Ouais. On est sur ce black metal un petit peu. Enfin, dès comme des Limbo, tu sens que ça commence un peu à aller moins, bah, je trouve. Les Limbo, je crois que c'est le troisième justement. Non, c'est le deuxième. C'est sûr. Non, parce qu'il y a eu un EP avant en 2016. Ah Gaerea. Voilà, oui c'est ça. Je voilà. Dis, ouais, Gaerea, je le. Alors, mets en, Gaerea, EP, bah EP et le, alors voilà. Je suis d'accord. Les deux premiers, dans ce cas-là, oui, l'EP et le premier déjà, album. Déjà ouais. Avec les jaquettes, elles se ressemblent vachement. Non, mais ça on est d'accord. Et après Limbo, et après, c'est voilà, là on commence à ouais. Intégrer des nouveaux trucs. Donc, en tout cas pour ce qui est de la globalité de la découverte. Bah, c'est beaucoup de virages et du coup assez perturbant. Je sais pas trop quoi en penser. Ok. Pour ce qui est de comment dire de l'ADN du groupe. Okay. Je sais pas trop quoi en penser. Les deux premiers albums, j'étais curieux mais un peu en deçà. Ok. Ouais, je suis pas rentré totalement dedans. Et le problème c'est qu'après il y a beaucoup de changements. Mm-hmm. Et du coup, je suis pas complètement rentré dedans. Ok. Tu vois, pas totalement. Bah en même temps, tu découvres un groupe, il y a énormément de virages, tu passes d'un album à un autre, il y a beaucoup d'éléments qui sont assez perturbants. Après, ça reste intéressant quand même, hein. Il y a pas mal de trucs. Si cool. Ça peut t'aider à t'orienter, sache que moi j'ai regardé des lives récents, ouais. Et tu vois que le groupe est vraiment en pleine évolution, parce que là ça commence à être des lives assez gros, je trouve, ouais. Et même visuellement, il se passe des trucs, il y a de la fumée, il y a un truc. Il y a vraiment un truc à l'air de se passer. Et là, on est toujours sur l'évolution, mais avant-dernier album. Enfin, voilà. Par voilà, rapport à celui voilà, qui devrait voilà, sortir. Tout à fait. Donc, je sais pas ce qui va se passer après. Mais ouais. Là, aujourd'hui, et on est sûrement vers cette direction du dernier album à venir, enfin, du prochain album à venir. Mais oui, là, ce que j'ai vu, ça a quand même a l'air très bien. Et je sais que moi, en fait, j'étais totalement convaincu. Vraiment, alors, Limbo, un tout petit peu moins, mais Mirage et Coma m'ont vraiment mis ouais, par terre. T'en vas aller. Ouais, au point que oui, je me suis dit, j'y vais, même si l'os va pas être très bien. Je préfère prendre le risque et me dire, ah, faut les voir. Parce que je pense que ça va vraiment être un groupe qui va monter. Oui, alors, qui a peut-être là... mal monté. Ouais. Ça va peut-être mal monter. Ouais, mais ouais. Ouais, parce que là, du coup, il n'y a pas de risque que ça soit du loss. Peut-être. Si, il y en aura sûrement deux, trois morceaux, peut-être. Ouais, ouais. Mais bah, je pense. Bah, le virage est tellement présent. Je suis d'accord. Bah, après. Que... Ah, j'ai peur. Ah non, mais j'ai un peu peur. Mais je me dis. Mais tu. J'ai un peu. Au pire, voilà. Peut-être voir ce que donne Coma en live. Ouais. Et puis après voir rester un peu sur la découverte du truc et voir un peu quel virage ça prend. Ouais. Bah ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je vais rester curieux quand même, voir un peu le live, ce que ça peut donner. Parce que c'est vrai que ces deux albums là sont assez intéressants aussi. Bah écoute, ouais, je vais rester curieux. Ouais. Hein, parce que ça reste quand même une bonne découverte en soi. J'étais pas totalement emballé, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise avec le live. Moi, je me suis bien fait surprendre, vraiment. Ouais. J'aime trop. Mais je comprends. D'accord. Du coup, on. Moi, je pars sur faire un tour vers le oui. Ouais, d'accord. Hein, après, faudra voir ce qu'il y a en face, quoi. Bah, bien sûr, c'est toujours la même question. Bah, je peux déjà te dire, par contre, où ils sont placés. Ouais. Si ça peut t'aider, ça, par exemple. Ça peut m'aider. Hop. Bon, je pense qu'ils vont jouer en Temple. Ouais, oh, ils jouent, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ils sont mi-journée le samedi. Ah, mid-journée, ouais, d'accord. Okay. Mi-journée le samedi. Ok. En Temple. D'accord. Donc il y a une chance qu'on se retrouve là-bas ? Il y a une bonne chance qu'on se retrouve là-bas, ouais. Bah écoute, ça sera avec plaisir. Comme c'est en Temple, on fera un petit détour à Altar, on prend une bière et hop. Ok. Ça marche, on fait comme ça. Ça marche. Ça sera avec plaisir. Bah, Tonai, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve. Jack. On se retrouve bientôt ? Ouais, très vite. Eh bah, ok, ça marche. Allez, salut. Ciao. Ah, vas-y, baisser le son, ça peut pas marcher. Try to come.